Ce soir, c'est l'heure. Le fun. Ce soir, c'est la nuit, le grand boss s'enflamme. Aslanda en gosse, je glisse dans l'ombre. Traître blanc au sol, s'il faut, je les éclate. Jusqu'au chef suprême traîné, on voit le Feinstein. Pas compliqué, je déteste leur plan sournois. Ils croient tout changer, je remets l'ordre en un claquement de doigts. Dégagé de nos affaires, c'est clair et net. Mission non-stop jusqu'au marchand, on est crochu tout en haut. Maman, je te vois tomber. Ouais, lance le quatrième Reich. 762 pour un rabat. Ouais, lance le quatrième Reich. 762, il finit ses pieds sous. Tu ramènes la horde dans mon bloc. Pizza, guette, pédo d'Hollywood, intouchable. Non, je fais tomber les faibles. Pas de pitié, pas de pause. Quatrième Reich verrouillé. Pourquoi je t'en prête? Provoque pas, je te renvoie direct en 40 ans. Train bondé, cri qui monte, ça sent le gaz déjà. Source du mal, des guerres, des crimes sur nos gosses. Ils payent cash, on rassemble, direction Fournaise. Ouais, lance le quatrième Reich. 762 pour un rabat. Ouais, lance le quatrième Reich. 762, il finit ses pieds sous. Ouais, lance le quatrième Reich. 762 pour un rabat. Ouais, lance le quatrième Reich. 6h45, Mastoa sonne l'alarme. On déclenche la Shoah, 2-3-0, plus de calme. Rat rouge en embuscade, on les crame. Diffane, on résonne, corps empilé en flammes. Résiste ou crève ton sang coulé, né ouais. Globalisme, tu craches sur vos deals pourris. J'prends mon gage, vite 100 balles dans le vide. Dernier avertissement, cette fois c'est pour un rabat.